Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle, ça commence très bien, ce nouvel épisode. Oui, mais on est en 2019, il n'y a plus de genre, on est là, tranquille, et c'est le progrès. Hein. Ouais, bonjour enfin là, t'as genré un truc au masculin. Ah non, t'as genré au féminin, alors que d'habitude c'est masculin. Donc franchement, c'est bien, tu te mets dans la poche les féministes, c'est cool. Dès le début du podcast. J'ai pas écouté ce que t'as raconté. Parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ça, d'accord ? Chacun fait ce qu'il veut, ça m'arrive pas. Mais justement, ça te rapporte des followers. Ah, super ! Des followers, ouais, j'adore les actions caritatives et la défense des peuples opprimés. Ouais, je représente quelque chose, moi qui n'ai que 500 abonnés. Youpi, yes ! Bref, non, c'est vrai, c'est important ce genre de cause, donc on soutient quand même, évidemment. Épisode un petit peu spécial, puisque ce sera un épisode qui n'a pas vraiment de sujet, si ce n'est... ce podcast en lui-même, exactement. Puisque ça va être un épisode bilan. J'ai demandé quelques questions, j'ai demandé à ce que les gens posent quelques questions sur Instagram. La bonne franquette podcast, tout attaché pour nous avoir. Attends, hop, je vais ouvrir le mien aussi, j'ai pas d'angle. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît ? Ouais, parce que merci, je prends le mien, merci. On s'est pris un petit peu de... un soda un petit peu américain dont on ne citera pas le nom, Dr. Pepper. À la tienne, mon ami. Et à cette fin de saison, Dr. Pepper classic. Du coup, ça veut dire qu'on est en vacances après ? On fait plus d'épisodes ? Pas du tout. Le quoi ? Travail ne s'arrête jamais. Oh là là. non, plus sérieusement, effectivement, j'ai demandé à ce qu'on nous pose quelques questions par rapport au podcast, donc sur Instagram, La Bonne Franquette Podcast, tout attaché. On poste des capsules de vidéos, des extraits de chaque podcast avec à chaque fois la pochette pour tous les épisodes, donc allez voir. C'est ça. Très sympa. Moi, je fais les pochettes. Lui choisit les extraits, mais le texte de la miniature, etc. Lui, c'est Monsieur Marketeux. Moi, c'est Monsieur Design. Je déteste ces noms. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Super. Bah écoute, à la rigueur, ferme-la en fait. Oh, un petit renvoi là pour vous dans vos oreilles. Non. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode à la bonne franquette parce que, comme dit, on va vraiment parler uniquement de ce podcast, donc de cette première saison. On a fait 13 épisodes quand même. Mm. Ce qui représente, je sais pas combien de temps ça fait, mais. Bah, en moyenne, je dirais une heure par épisode, donc environ 15 heures d'émission. Ouais, 15 heures d'émission quand même. Ce qui est quand même assez costaud, hein, ouais. On va pas se mentir. Dont 10 heures qui sont. Avec des micros de très mauvaise qualité, mais... Ouais, bah on en parlera plus tard dans cet épisode. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Oui, bien joué. Et du coup, voilà, on va parler donc rétrospective sur qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode, nos épisodes préférés, peut-être les moments qui nous ont marqués. Et ouais. On finira par une petite séance de questions, parce qu'effectivement, du coup, on m'a posé des questions par rapport à ce podcast et à nous-mêmes. Mm. Et on terminera par ça. Mais tout d'abord, j'ai envie quand même de te demander comment est-ce que ça va ? Bonsoir, de nom de pipe. Ouf, bah écoute, ça va super hein, ouais. En ce moment. Comment vas-tu ? Ouais, bah j'ai bientôt du travail. Ça, j'ai eu une période un peu creuse là parce que c'est toujours comme ça. Je dis c'est toujours comme ça, comme si ça faisait des années que j'étais en freelance et tout. Mais cette année et l'an dernier, c'était comme ça. Les mois. De juillet et août, il n'y a quasiment pas de travail. Les entreprises sont fermées une partie du temps. Il n'y a jamais tout le monde et tout. J'en parle en vacances. Ouais, voilà. Et on les comprend, hein, on les comprend. Enfin, seulement s'ils partent au Japon. Alors, bien sûr. Sinon, c'est forbidden. Attention, c'est Nichtgemacht, Ausgang, Verein. Hein, donc, c'est, non, ça veut dire n'y allez pas. Oui, effectivement, les gens partent en vacances, les gens... Il y a une période creuse, effectivement, à ce niveau-là. Ouais. Même moi, avec mes clients, j'ai eu aussi. Sauf pour les clips, évidemment, parce que c'est là qu'il y en a le plus de temps. Donc, oui. Les gens veulent en tourner à ce moment-là. Mais du c'est coup, bien ton quand travail. Même. C'est bien quand même parce que ça permet de faire des trucs qui coûtent un peu moins cher pour des potes ou des trucs comme ça, qui dépannent des covers ou des... Enfin, franchement, c'est cool. Exact. Ou alors faire des miniatures YouTube de La Bonne Franquette, par exemple. Ça m'a permis de faire ça. Et je vais devoir le faire quand j'aurai du travail aussi. Et ça, c'est... Ouais. Mec, bravo. Non, merci. Non, c'est vrai. On essaye de pousser un petit peu plus le concept. Et il y a vraiment beaucoup plus de travail qu'avant ouais. Sur La Bonne Franquette. C'est incroyable. Mais on va en parler. Moi, je vais en parler parce que c'est vrai que je suis, depuis le début, la partie technique de l'émission. Et en vrai, on se rend pas compte, mais c'est complexe, mais on va en parler dans un instant. Mais du coup, est-ce que ça va toi, la vie? Oui, comment moi, ça va très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens en ce dernier épisode? Écoutez, j'espère que vous avez pris en compte nos remarques à chaque fin d'épisode, qui est de prendre soin de vous. J'espère que vous avez pris soin parce de vous. Parce que c'est le plus important. Plus important, exactement. je l'avais retenu. Hein. Ah oui, j'allais le dire. Menteur, calomnieur, bandit félon. Quoi ? Malfrat ! Oh bah, malfrat, oui. Mais ouais, j'espère que vous avez pris soin de vous pendant tout ce temps. Ça fait quand même un an déjà qu'on a commencé cet épisode. Il se passe beaucoup de choses en un an. Oh, j'espère Dieu. Que vous avez avancé dans la vie. Là, les gens qui avaient un travail et qui se retrouvent au chômage doivent me détester, me haïr. Non, c'est une mauvaise passe. La vie, c'est jamais. La vie, c'est un peu comme faire du surf, tu vois. Rides la vague, mais tu finis toujours par tomber, tu vois. Et puis tu te relèves et tu rides là, tu rentres. Voilà, les bons riders, ils tombent pas. Non, impossible. Parce qu'il faudrait une étendue d'eau constituée d'une dynamique de vagues absolument infinie, en fait. Ça n'a aucun sens. Les bons riders ne tombent. Impossible. Quelqu'un m'avait dit un jour, parce que je prenais des photos, quelqu'un m'a dit un jour, les vrais photographes, ils prennent cul de photo. Hein. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'as dit ça ce jour-là? Non, je l'ai dit. Mais c'est ce que je pensais. T'as dit... C'était Spice Adams, d'ailleurs. Il m'a parlé en français, il m'a dit « Les bons photographes ne prennent qu'une photo. » D'ailleurs, les bons photographes ne retouchent pas leurs photos. Bon, allez, ça c'est d'autres débats, mais c'est fou qu'il y a des gens qui pensent encore comme ça, alors qu'absolument tout autour de nous, même la peinture s'est retouchée, en fait. Enfin, tout ce qui est créatif est retouché. Il n'y a jamais de « je fais une version, elle est terminée », je veux dire. Enfin, bref. Aujourd'hui, on peut faire des dessins sur tablette graphique et effacer des petites parties et recommencer à l'infini. Attends, donc, mais tu parles de ça uniquement parce que tu as acheté un iPad Pro que tu as absolument envie de montrer. Vas-y, voilà, flex un petit peu. J'ai acheté t'as exactement un iPad... 10 secondes. J'ai acheté un iPad Pro qui me permet de prendre en compte ma passion qui est le dessin et je peux dessiner à tout va sur cette magnifique tablette qui a un très bel écran, un terminé. Magnifique... Voilà, mais tu l'as bien vendu. Moi, j'achète. C'est vrai ? C'est vrai, t'achètes ? Ouais, j'achète. Je te le vends 1500 euros. Attends, mais tu l'as acheté moins cher. Non. Non. C'est bien, tu comprends le business. Alors, l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire même. Un requin. Ouais, ben d'ailleurs, pourquoi on dit un requin à des personnes qui sont des businessmen qui. C'est shark. Qui veulent tout prendre. Je pense parce que. Faire du profit. En vrai, je pense parce qu'il y a une grosse. Un océan, c'est grand, tu vois, on va pas se mentir. Ouais. C'est assez grand, tu vois. C'est plus grand que cet appartement, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Et du. Allez, un petit deuxième. Attention, jamais 203. Je suis désolé, mais j'essaye d'animer en même temps. Bon, c'est compliqué. Bref, ouais, on est à la bonne franquette ou pas? Là, on est vraiment à la bonne franquette. Mais du coup, non, effectivement, tiens, je vais faire le truc que tu détestes parce que tu dis que c'est absolument pas confortable. Je mets mon. Quoi? Et dans un épisode, t'avais dit. Attends, mais c'est pas du tout confortable. Vrai, là, t'es à l'aise. Ouais, je suis à l'aise là. T'as pas une pointe qui t'enfonce dans l'avant-bras? Pas du tout. En fait, si, mais je la bloque avec mes muscles parce que je suis extrêmement musclé, en fait. Non, j'allais dire, c'est parce que t'as pas de muscles, ça repose directement sur l'os et du coup, voilà. Ça fait encore plus mal. Non, c'est sur l'os, tu sens rien sur l'os. Ouais, t'es un spécialiste des os. Écoute, t'es un osologue. Non, je suis médecin agrémenté par la SECPA. Ça, c'est vrai, par contre. Non, mais du coup, effectivement, je pense que par rapport à cette expression, c'est dû au fait que le business, c'est comme un océan, tu vois, il y a beaucoup de poissons différents et que les requins, c'est quelque chose qui est capable de faire extrêmement mal assez rapidement, qui est un truc assez féroce, tu vois. Ouais, ou de dire qu'enfin, un peu la même comparaison avec les loups, quoi, je pense. J'ai jamais entendu dire c'est un loup. Bah non, mais il y a d'autres expressions qui parlent de... Oh putain, j'ai un renvoi aussi. Ça y est. T'as vu, forcément, on ingurgite une boisson gazeuse et on fait que parler. Donc forcément, il faut bien que ça ressemble. Ah, cette boisson sucrée est l'œuvre du démon. Elle aura notre peau et notre street crédibilité. Mais non, mais en fait, je pense que c'est important. Enfin, c'est intéressant comme expression parce que vraiment, je pense vraiment que c'est basé sur le concept d'océan parce qu'il y a énormément de poissons différents, tu vois. Comme tout type de business. Et le requin, c'est celui qui veut rouler sur tout le monde, peu importe, tu vois. Ouais. Je pense que c'est par rapport à ça. Mais j'en sais rien. Je sais pas. Si vous avez des idées, mettez en commentaire. Si vous êtes un pêcheur, Bah, faites pas ça en fait, c'est pas bien. C'est, arrêtez de pécher. Sauf si vous êtes. Sinon, vous irez pas au paradis. Si c'est un cas de survie à la rigueur, mais sinon voilà. Bah écoute, content que t'ailles bien. Ouais, et toi alors, ça va ? Ah oui, ça va tranquille, ça va tranquille. Alors, en ça s'est rafraîchi en ce moment, non ? Mec, il n'y a plus de saison, c'est incroyable. Tu te rends compte, on est déjà à la fin de l'année, moi. Écoute, moi demain, je dirai à mes collègues, ça va comme un lundi. Hein. Tes collègues, ton chat en fait. Non mais du coup, en vrai, j'ai pris... moi ça va dans la vie, j'ai trop de travail, vraiment trop. Là, c'est ce moment dans la vie où tout va bien, trop bien. Du coup, j'ai accepté trop de choses. Donc là, c'est vraiment... Enfin, j'ai accepté trop de choses. Disons que c'est compliqué, les clips, tout ça, mais bref. Si on combine à ça le fait qu'il y ait les jeux vidéo en ligne... Aïe, aïe, aïe, aïe. Non, ça va. Ça va ? Ça va. Parce que tu sais très bien que, par exemple, je suis capable de bosser jusqu'à 5h du matin, alors que ça fait bien longtemps que vous dormez, tu vois. Oh oui, voilà. Ça oui. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai pris un rythme où je me couche à 5h du matin, je me lève à, du coup, 11h, midi, en fait. Mais ça, c'est parce que tu t'es couché une fois et j'ai pris t'as fait une nuit blanche, non ? Une nuit blanche complète. Non, mais en fait, ça a été compliqué récemment. J'ai fait une nuit blanche ensuite. J'ai dormi qu'une seule heure le lendemain parce qu'on est parti à Genève ensuite. Enfin bref. Surtout que je suis un débile, je bois du café, il est 23h, donc forcément ça n'aide pas. Mais en fait, t'aurais dû t'obliger le lendemain à te coucher tôt. Ouais, même si. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu es la voix de la raison. Oui, c'est vrai. Vrai, c'est vrai. Au pire, là, bon, ça, c'est bien. Il est que minuit 15 à l'heure où on commence le podcast. Oh merde. Donc, déjà. Donc ça va te permettre de rattraper ce sommeil. Tu vas te coucher à 2h. C'est parfait. Et ben, je propose justement qu'on avance dans ce podcast parce que on n'est pas là pour parler de notre état de santé mentale ou physique. On est là pour parler de ce podcast. Du coup, la bonne franquette, ton avis sur cette première saison qui constitue, je le rappelle, 13 épisodes. Bah écoute, c'était bien. Dans le micro, il faut parler. Ah, il faut parler dans le micro, parce que sinon on n'entend pas, tu vois. Ah oui, d'accord. Et après, c'est très important parce que les gens, ils font... Donc, je parle comme ça, c'est ça. Je suis puceau, je suis vierge. Quoi ? Non, il n'y a pas de... Quoi, t'as dit ? Hein, quoi ? Du coup, oh, regarde, attends, il y a écrit 12 minutes 50. Et du coup, non, ton vrai avis sur cette première saison ? Bah, franchement, c'était... je sais pas où ça allait... Enfin, quand ça a commencé, je savais pas où ça allait terminer. En fait, je me suis dit, je sais pas, soit c'est un truc qu'on va faire genre 2-3 fois pour se marrer, et genre dans, je sais pas, on retombera dessus dans 20 ans et on rira par rapport à tout ça. Ou alors, ça va devenir un truc un peu plus sérieux, comme ce que c'est maintenant, et ça fait d'autant plus plaisir. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, le troisième, il était là. Il est arrivé. C'est bon, vous êtes tranquille, on peut retourner dans l'élégance et la bienséance. Moi, j'en ai encore deux à lâcher. Hein. C'est vrai, mais en tout cas, de mon côté, on est dans l'élégance et la bienséance, je le rappelle. Bien joué. D'ailleurs, grande amor. C'est de l'italien, je peux que être élégant à partir de maintenant. Ça veut dire quoi ? Amour gigantesque, j'imagine. Je ne parle pas italien. Ah, moi, j'aurais plutôt dit que ça voulait dire... Noble amour, je sais pas. Non. Pour moi, c'est... Il fait ta blague. Je comprends pas. Ah, okay, je comprends pas. Ouais, c'est vrai, il y avait ce... Bon, alors clairement, l'inspiration de base de ce podcast, c'est le Floodcast. Voilà. On l'a déjà drop deux, trois fois, de toute façon. Mais non, c'est vrai. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant avec la bonne franquette, je pense, c'est parce que nous, on est des no-name, en fait, tu vois. Alors que eux, c'est certes, ils ont des vies qui sont assez intéressantes parce qu'ils sont, pourquoi pas, dans le cinéma, dans des courts-métrages et tout. En plus, c'est des gens qui sont connus. Ils ont déjà eu Adrien Méniel, mais surtout Jonathan Cohen, des gens comme ça. T'es en train de dire que ma vie n'est pas intéressante ? Je suis en train de dire quelque chose et j'aimerais que tu me laisses parler, en fait. Chaque épisode, je vais finir sous la table. Mais à chaque épisode, il y a un moment comme ça où la personne te dit tu me laisses finir. Avec Rob, il y en a un. Oui. Avec Juliette, il y en a un. Et maintenant, il y a moi, en fait. Donc, je veux que ce soit un nouveau running gag. Tous les gens qui vont venir, les prochains invités, il faut sécher Vincent. Arrêtez ou j'arrête. Ça n'a fait peur à personne comme menace. Mais tu vas être tout seul, ça va être nul. Non, ça va être encore mieux. Non, le sidekick rigolo ici, c'est moi. Et je sais même plus de quoi je parlais maintenant. Bah, oui, effectivement, Floodcast. Et eux, du coup, ce sont des gens qui sont connus maintenant, puisqu'on parle de plusieurs millions de vues, ce genre de choses. Certains ont même déjà fait du cinéma. D'autres ont fait de la chanson, d'autres sont des comédiens, des humoristes, tout ça. Et du coup, c'était à force d'écouter ça, on s'est dit, putain, parce qu'il y en a un aussi que tous les lundis. Et quand il y en a un qui sort... Qu'est-ce qu'il y a ? T'as eu un renvoi ? Oui. Il n'en reste plus qu'un, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et à force de l'écouter, on s'est dit, putain, ce serait vraiment bien qu'on fasse un truc aussi comme ça, parce que Vincent et moi, on se voit tous les jours... Ouais, ou quasiment, presque, ouais. Ou presque. 6 jours sur 7. Assez dingue. Ouais, franchement, c'est assez dingue. Franchement, on a tous, peu importe qui on est, on a tous des chemins de vie, des parcours extrêmement différents, avec plein d'anecdotes à raconter. Et on s'est dit un jour, mais franchement, vu qu'on se les raconte déjà dans la vraie vie, pourquoi ne pas les partager en fait ? Mais maintenant, ça m'arrive des fois de. Quentin, on est témoin de dire un truc, enfin de débattre d'un truc et tout, et de lui dire juste après, putain, on aurait dû enregistrer. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que ça aurait été cool d'enregistrer à ce moment-là, ça aurait fait un bon truc dans le LBF et tout. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Du coup, je vais plus ma vie à 100%, ouais. Je suis plus très heureux. Ça. On a les déformations professionnelles, c'est un vrai problème, je trouve. Par exemple, moi, quand je vais au ciné maintenant, je peux pas m'empêcher de décortiquer techniquement toujours le film, tu vois. Ouais. C'est extrêmement énorme. Ouais, du coup, ça te fait sortir un peu du film. Un peu, c'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est fou de se dire que, à force de faire quelque chose, on ne peut plus du tout revenir en arrière, tu vois. Parce qu'on pourra plus à jamais avoir cet œil d'enfant qu'on avait quand on voyait un film et qu'on disait « Waouh, ouais, trop bien, ils volent vraiment Spider-Man et tout. Ah, » J'ai fait la ref à ta place pour une fois. Voilà, yes comme, comme ça, tu peux pas la faire. Non. Terminé. Non. Il y a qu'un shot par épisode. Merde. Et c'est moi qui l'ai fait pour une fois. Bref. Mais moi, c'est pareil avec les publicités. Des fois, ça m'arrivait de traîner avec des gens qui étaient pas du tout dans le métier. Et on passe à côté d'un abribus, il y a la pub, je fais « Oh, pas mal cette pub !» Et ils sont tous là, genre, on s'en bat les couilles des pubs, en fait. Et moi, j'étais, mais non, il y a une bonne recherche typographique, des trucs comme ça. Ah, mais donc, du coup, toi, c'était pas vraiment la... Bah si, c'était l'analyse et tout, décortiquer. C'était pas vraiment la pub en elle-même, c'était plus le design de la pub, alors. Ouais, le packaging. Oui, c'est ça, ouais. Mais toi, c'est un peu pareil avec la technique du film. Comment ça ? Bah, tu décortiques les blancs, les effets et tout, tu te dis, ah ouais, pas mal, ça. Tu vois, ce genre de truc. T'es pas en mode... Spider-Man, ils volent vraiment. T'es en mode, oh d'accord, alors ils ont accroché un truc à son machin, fond vert et tout. Ok. Tu vois ? Ouais, je vois, je vois pas trop le... Bah moi, en fait, on nous donne un produit fini et on décortique. T'analyses la... Ah oui, non, bien sûr, ok. Ok, non, mais c'est my bad, il y a eu un quiproquo, on s'est pas compris sur ce que je disais, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais effectivement, j'ai pris 80 ans en 4 secondes là. Mais ça, mieux, ça, Benjamin Button extrêmement vite. En fait. Oh, wow. C'est ça, Benjamin Button, hein ? Ouais. Okay. J'étais sur le point d'appeler ton proprio. Monsieur Gorilliac, yes, les bons running guys. Non, du coup, effectivement, quand on a lancé ce podcast, déjà, je vais répondre à une question parce que je les ai vus. Je me suis pas spoil, mais j'en ai vu avant en prenant mon téléphone. Il y en a une qui disait comment se passe un tournage. Bah, je vais très vite répondre. On a une caméra qui est un A7 III avec soit un. Oh non, j'ai fini la canette, ouais, mais il y a toujours un extra, je suis généreux. Ouais. Je suis pas sûr que les gens voulaient un extra de ça. Non mais effectivement, un A7 III, du coup, avec deux objectifs, soit le 28mm de Sony, soit le 50mm de Sony, si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Par contre, là, tu parles plus dans le... Oui, pardon, 50mm de Sony, si je dis pas de bêtises, voilà, celui-ci, tous des 1.8, donc focal fixe, tout ça. Bref, on va pas rentrer dans les détails techniques. Ensuite, comme enregistreur, on a un Zoom H6, excellent. C'est vraiment une petite bête. Que vous pouvez voir parce qu'il sert aussi de micro dans les épisodes avec un invité en plus, Rob et Juliette là. Effectivement, on peut brancher 4 micros de base dessus, alors on en a que 2 pour l'instant. En XLR. Mais on peut même brancher un 5e micro puisque avec l'enregistreur, sont fournis deux autres petits micros. Je vais juste le montrer en fait pour qu'on comprenne. Du coup, là, on peut brancher des micros en XLR sur le côté, donc on a 4 prises. Et là, tout en haut, il y a une dernière encoche, une dernière prise sur laquelle on peut venir greffer d'autres micros qui sont fournis avec. Puis en fait, c'est du multipiste en temps réel, donc c'est super, on peut gérer le son. Par exemple, là, je vais me mettre vraiment plus fort. Et là, je peux vraiment gérer le son. Tu sais que c'est insupportable à entendre. Non, mais je fais une démonstration technique. C'est vachement bien fait. Genre, il y a un timer, il y a je sais plus comment on appelle ça, un niveau audio avec y compris tout ce qui est stéréo. Si tu as des micros stéréo, tu as un limiteur, tu as un compresseur, enfin c'est un truc de dingue. Ça coûte 300 €, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment vraiment cool. Dessus on a deux micros Shure SM58, donc c'est des micros de légende pour tout ce qui est des concerts, c'est vraiment très très connu. Il y a une belle retransmission de la voix, elle est très chaleureuse. Avec des petites mousses de protection anti-pop. Exactement, qu'on a choisi en couleur. Pourquoi on a choisi les couleurs? Il n'y a qu'une seule personne jusqu'à présent qui a trouvé pourquoi on avait du rouge et du bleu. Je le dirai à la fin de ce podcast, mais vous pouvez déjà mettre dans les commentaires pourquoi, à votre avis. Pourquoi? Et vous saurez à la fin de ce podcast si vous avez eu raison. Mais il y a une raison, c'est pas juste rouge et bleu parce que c'est du design, lol, non. Non, le packaging a un sens, d'accord? Yes. Ensuite, par-dessus, alors par contre, chose à savoir, c'est que effectivement, on branche des casques sur l'enregistreur et du coup, on est obligé de prendre un découpleur jack parce que sur l'enregistreur, il n'y a qu'une seule prise jack, donc on pourrait brancher qu'un seul casque et ça permet de brancher jusqu'à 5 casques différents. Donc, c'est très très cool parce que en fait, on se rend compte que quand on n'a pas de casque, et on peut le voir dans l'épisode avec Juliette, l'épisode qui est sorti la semaine dernière, parfois, comme on n'a pas de retour direct, des fois on parle un petit peu sur le côté, on est un petit peu. Enfin, c'est moins précis en fait. Ouais, c'est très pratique d'avoir ça. Très important d'avoir le casque en fait, on se rend pas compte, mais. Puis même le simple fait de bien entendre clairement ce que dit l'autre, très important. C'est. Mais si vous avez un matos pareil, vous verrez comme ça fait bizarre la première fois que vous l'enfilez et que vous parlez avec quelqu'un avec ça sur les oreilles. T'as l'impression qu'il te parle vraiment juste à côté de toi. C'est quoi. Vrai, c'est fou. C'est trop bizarre. C'est fou, il est vraiment juste dans ton oreille. Il dit, oui, ça va ou quoi? Ça va être... Ouais. C'est que des voix comme ça, c'est extrêmement chiant, mais parce que ça c'est vraiment dans le casque en permanence en fait, hein. En plus de la voix qu'on entend, donc, oui. Et avec ça on a des pieds de micro, des câbles XLR qui font 5 mètres je crois, qui sont enroulés dessus comme ça, voilà. Et avec on a une softbox, j'ai aussi deux lumières portables LED que j'ai pas encore utilisées parce que a priori pour l'instant on en a pas besoin. Ça, en vrai, ça pourrait être utilisé dans la saison 2. Je vous en parlerai plus tard, pardon. Et puis après, c'est monté sur Premiere avec synchronisation audio sur Premiere, étalonnage aussi très rapidement. L'intro, la musique d'intro et d'outro, c'est on attend que les pesos de Ibac, je crois, que j'avais entendu sur un stream de Pandrez une fois, donc shout out Pandrez et shout out Ibac. Et voilà, tout le reste, c'est effectivement nous qui faisons ça. On utilise un trépied aussi forcément pour la caméra. On utilise comme plateforme, alors c'est très compliqué, mais à la base on avait SoundCloud. Sauf que SoundCloud, quand t'as un compte gratuit, tu peux upload jusqu'à 3 heures. Ce qui serait bien si on faisait de la musique, mais comme on fait des podcasts de 1 heure. Exactement, en deux épisodes, on avait dépassé la limite. Donc c'était compliqué. Et après, il faut raquer, c'est 11 € par mois si on veut avoir de manière illimitée en place. En stockage. Et du coup, on s'est dit, parce qu'en fait, on avait pris cette décision au début, on savait pas trop si on allait continuer. Ça nous amusait bien, mais on savait pas trop à quel point ça allait devenir sérieux. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a une pause dans le podcast. Pendant un moment, il y en a pas du tout. Et ça coïncide à peu près à cette période-là. Et du coup, en fait, on est parti. Alors, pour tout expliquer, voilà, parce que Vincent n'a aucune idée de comment ça se passe, mais je vais l'expliquer très rapidement si jamais vous voulez faire un podcast gratuitement, de manière très fonctionnelle. Vous passez par The Internet Archive, donc The Internet Archive. Vous mettez vos podcasts là-dessus, enfin vos fichiers audio là-dessus, vous renseignez les tags, le titre, machin, tout ça. Vous allez avoir un lien MP3 que vous pouvez mettre sur PodCloud, qui est un service français, qui est lui un agrégateur de flux RSS. Et du coup, à partir de là, c'est facilement diffusable sur iTunes, Spotify, Deezer et je ne sais quelle autre connerie. Et puis, bien sûr, depuis peu, la version vidéo disponible sur YouTube, je le rappelle à ceux qui ne la regardent pas encore, parce qu'on fait beaucoup d'écoutes sur Spotify. Ouais. On viendra sur les chiffres après, mais voilà. Du coup, à peu près, voilà comment ça se passe, un tournage. Au niveau de l'organisation, c'est souvent, on se dit, oh, ce serait bien qu'on en fasse un. On pose un... En fait, c'est vraiment la bonne franquette. On pose un épisode, genre, 3 jours après. Ouais, c'est ça. Et puis, j'arrive chez lui ou il vient chez moi avec des pizzas, souvent. Souvent. On regarde un épisode de série et on démarre. Et voilà, comment tout cela se passe. C'est la après, magie. Après, il y a aussi les covers sur alors, Photoshop. C'est les covers, mais pour tout ce qui est artistique et YouTube, on revient juste après la coupure. Et voilà, coupure. Du coup, les covers. Ouais, tout ce qui est cover et tout, ça s'est fait sur Photoshop. Alors, il y a un gros fichier Photoshop pour les covers Spotify et tout, dans lesquels elles sont toutes là avec plein de plans de travail. Il y a pareil avec les miniatures YouTube, pareil avec, les miniatures Instagram. Et c'est marrant parce que... Enfin, non, c'est pas marrant du tout, en fait. Tu n'es pas une sinistre personne. Mais les faire la première fois, c'était très long. Parce que c'est un exercice vraiment différent de faire, par rapport à ce que je fais d'habitude, de faire des miniatures YouTube. C'est un monde à part un peu, je trouve, c'est tellement bizarre. Faut avoir un truc qui soit catchy, mais en même temps, enfin, faut que les infos principales, elles ressortent à mort par rapport au reste. C'est assez ouf. Surtout que, si je me permets, mais ce qui est complexe là-dessus, c'est que encore si on faisait par exemple des vidéos sur YouTube, on aurait déjà tout le YouTube game pour s'inspirer des codes et tout. Parce que nous, on démarre sur YouTube. Moi, j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai toujours fait ça vraiment... à la bonne franquette. Encore une fois, la bonne franquette, yes. Tu vois, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, mais j'ai jamais été à fond sur le référencement, le SEO et tout. Ah oui, alors là, je vais parasiter, ensuite faire cette méthode pour avoir... J'ai toujours regardé un petit peu comment ça se passait, essayé de comprendre, mais comme c'est pas quelque chose que je vise à fond, ben c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, en vrai, il suffit de se poser 5 minutes et vraiment de regarder comment tout ceci marche. D'ailleurs, le nouveau truc des parenthèses dans les titres. Ouais. Sur YouTube, ça on l'a repris aussi. Parce que voilà, il y a des courants qui marchent et il faut savoir les utiliser. Parce que pour reprendre la métaphore du surfeur avant, il faut savoir repérer les bonnes vagues et les rider aussi pour aller le plus loin possible et profiter de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est important. On est aussi là pour diffuser notre contenu. C'est quand même beaucoup de travail. Donc autant qu'il soit vu et apprécié par les gens en fait. Et du coup, oui, effectivement, là où c'est très compliqué pour toi, c'est qu'il n'y a pas de podcast en France sur YouTube. Il y en a très, très peu ouais, diffusés. Avec des miniatures et tout. Ouais. Du coup, là, c'est compliqué parce que du coup, il doit mettre le titre, les photos qu'on fait à chaque fois. Ouais. D'ailleurs, il faudra en faire après. Après, bien sûr. Et puis voilà, on peut pas juste mettre un gros zoom sur notre tête avec une goutte comme ça pour dire oh mon dieu, vous ne croirez jamais c'est ce que ces jeux vidéo font faire ouais. Des chiens, tu vois ça. Donc ouais, il y a une vraie recherche là-dessus. C'est ça. Et sinon à part ça, pour le graphisme, ce que j'avais en tête à la base, c'était de faire un truc. Je sais pas si vous avez fait un peu attention. Oh. T'entends? C'est pas normal ça. Il y a ok, on a un problème de XLR. Je vais voir. Ok, a priori, vas-y, lâche-le. Ah non, c'est attends. Ça. C'est ça. Ouais, on a un problème avec un câble. Ok, c'est bon. On en avait déjà parlé dans un précédent épisode. Bah, il est de retour ce soir. Ah merde. Mais voilà, c'est pas grave. On fait avec. Et puis, et puis voilà, vas-y. Ouais, du coup, je sais pas si vous avez fait attention au logo qui est sur les covers Spotify. Enfin, vous le voyez un peu partout. J'essaye à chaque fois pour les covers de reprendre le logo, mais juste en changeant les couleurs, le fond et tout, en faisant un truc qui rappelle le sujet du podcast. Et c'est marrant parce que faut des fois un peu se creuser la tête. Genre, faut être assez minimaliste. Mais en même temps, raconter un peu un truc. Donc, je ne sais pas si j'ai un exemple en tête. Par exemple, celui sur les jeux vidéo. J'ai fait un style un peu de vieille télé qui diffuse un truc avec un Space Invaders et je sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, une manette de jeu récente et tout. Le tout, j'ai essayé de rendre un truc un peu sympa au niveau de la du des couleurs quand tu poses les éléments et tout, une cohérence graphique, ouais, une composition. La composition, voilà. Ouais. Exactement. Et ouais, sinon, des trucs un peu plus explicites, comme t'avais fait pour les rappeurs, tu sais, on avait fait un podcast il y a longtemps sur des rappeurs. Le deuxième épisode, je crois, avec ouais. Rob. Et du coup, t'as mis la tête de tous les rappeurs desquels on avait parlé. Exact. Ouais, au tout début, Vincent avait fait le logo et tout. Et comme moi, je faisais tout en back derrière, je me suis dit, bon, bah, à chaque fois, je suis lancé dans le montage de l'épisode, la synchro, tout ça, donc autant faire les covers et tout. Et du coup, je faisais tout d'un coup. Mais c'est vrai que ça représentait beaucoup de boulot. Et comme c'est aussi le métier de Vincent, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, ça va te faire plaisir. Éclate-toi, laisse ta créativité parler. En fait, pour moi, ça me libère du temps aussi. Bah, en fait, le truc, c'est que souvent... Enfin, à la base, on pensait faire... moi, je pensais qu'on allait avoir la même cover tout le temps. Je savais même pas que c'était possible d'avoir une cover par épisode. Et toi, t'avais vu que c'était possible. Du coup, tu l'avais fait. Et après, tu m'as dit, ah bah tiens, tu peux faire ça. Ouais, c'est cool voilà. Parce que en vrai on se rend pas compte parce que là on balance juste une vidéo, mais il y a tout un travail derrière tout ça qui est excellent, qui est très très long. Par exemple, même pour acheter ce setup là, je me suis renseigné longtemps sur internet sur parce qu'on forcément on avait aussi un budget, qu'est-ce qui était pratique à emporter, qu'est-ce qui était pratique parce que à la base en fait on avait des micros Blue Snowball Ice. Qui était des. D'ailleurs, à la base, on n'avait qu'un seul. Un vieux que j'ai depuis genre 5 ans. Qui est un peu jauni. Hein. Ouais, qui a jauni, ouais. Et c'est un micro USB dont la qualité est, on va dire, médiocre. Et du coup, ouais, on disait que c'était suffisant parce que on tournait au GH4 à l'époque, que j'ai plus parce que je l'ai vendu, mais voilà. Pour être tout à fait transparent sur les coulisses. Et du coup, effectivement, quand on a acheté cet enregistreur, il a fallu se renseigner sur, ok, effectivement, on fait le podcast à deux, mais est-ce qu'on sera aussi plus à l'avenir ? Ça sera environ combien de personnes ? Du coup, il a fallu se dire, est-ce que aussi on achète des pieds de micro ou est-ce qu'on porte les micros à la main, comme dans les épisodes où on était avec les feats, là, les deux récents de Rob et Juliette. Donc ouais, il y a eu pas mal de recherches parce que, en vrai... Il y a beaucoup de vidéos et d'articles sur le sujet sur Internet, mais ils ont tous des avis très différents, donc c'est aussi beaucoup de recherches pour essayer de savoir ce qui nous convient au mieux, etc. Et après, on en débat, donc ça rajoute encore du temps. Donc ouais, vraiment, vraiment beaucoup de travail, on ne se rend pas compte, mais surtout qu'on ne gagne rien du tout. Ouais. On fait ça à notre bon cœur, mais ça va venir. On va mettre bientôt un Patreon, un Utip et tout. Et vous allez raquer les potos. Hein, les impôts... Ouais. Parce que sur nous, ils tombent les impôts, d'accord. Vous ne serez pas obligé de payer. Si, bien sûr. Non. Vous serez très obligé de payer. D'ailleurs, vu comme c'est parti là, tu peux peut-être expliquer pourquoi on a le rouge et le bleu. Ok, allez. Du coup, je vous laisse 2 secondes pour réécrire, si jamais vous ne l'avez pas fait dans les commentaires. Pour réécrire. Vous l'avez fait avant, là vous réécrivez le même commentaire. Exactement, le même mot pour mot. J'irai vérifier, hein. Attention. Non, du coup... En fait, j'ai choisi ces deux couleurs parce que il y a une dimension de personnage dans ce podcast. C'est vrai. Vous avez probablement... On a déjà un petit peu parlé dans un épisode où je faisais mon mea culpa parce que justement, mon personnage était un petit peu trop incisif. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais du coup, moi, je joue un petit peu le personnage méchant, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai le rouge. Le méchant flic. Le méchant flic qui est un petit peu... qui est très sarcastique, qui est toujours un petit peu piquant comme ça. Et puis Vincent... Et moi, la personne bienveillante, celle qu'on a tous envie de voir chez soi débarquer. Exactement. La bonne poire. À chaque fois qu'on ouvre la porte et qu'elle est là, on fait « Ah, ça va ou quoi ? Ça va, Vincent ? Ça fait plaisir ! Ah, super ! Trop bien d'être passé !» Mais par contre, est-ce que je peux jouer un méchant de film avec cette tête-là ? Absolument pas. Si, c'est possible. Non, possible. Bien sûr que si. Non, dans l'attitude, je suis trop, trop gentil. Ça se travaille. Impossible. Personne. Tu me fais chier. Bon, ok, oui, ça se travaille, mais voilà, j'arrive pas. J'aimerais paraître plus méchant au quotidien, tu comprends ça ? Tu sais ce que ça fait d'être toujours non, connoté si gentil ? Franchement, si t'étais un sociopathe, ça serait un atout excellent. Parce que t'aurais la tête de quelqu'un qu'on ne soupçonnerait pas du tout, et tu serais la pire des racleurs. Je vais peut-être me reconvertir en psychopathe. Franchement, mec, tu serais dans Mindhunter, à l'heure qu'on parle. Oh ! Donc tu serais déjà riche et célèbre finalement. Mais probablement en prison. Mais en prison. Non mais du coup voilà, effectivement il y a, ces deux personnages qui sont... Parce que bon, alors, je sais pas pour toi, moi je suis pas totalement comme ça dans la vie. Il y a certains traits, il y a certains traits que j'abuse, il y en a que j'atténue, voilà, parce que on est sur Internet, faut pas tout montrer non plus, hein, faut pas oublier. On est dans l'honnêteté, on est entre amis. Pour moi, La Bonne Franquette, c'est vraiment un podcast entre amis. Même ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, d'ailleurs, il y a beaucoup de nos amis. Shout out à tout le monde en fait. J'allais commencer à dire shout out machin. Alors j'ai une liste. J'ai une liste de 527 prénoms très précisément. Ça, ce sont mes contacts les plus proches. Ensuite, la liste de contacts proches qui s'élève à 1000. Mmh, ouais. Et ensuite, c'est de manière descendante. Bah, on y va, c'est parti. Alors, premier violon. Non, c'est Les inconnus. Putain, j'ai pensé à ça très longtemps d'en parler. Non, mais okay. Du coup, voilà, effectivement, on joue un petit peu des personnages. Oui. Et puis voilà, c'est ça. Parce c'est... Que le but, c'est d'être entertainer. Et c'est pour ça que je me fais clasher quasiment à chaque épisode. C'est parce que. C'est voulu quoi, c'est écrit un peu que je suis le personnage qu'on clash et tout, c'est pas parce que je suis une grosse victime. Non. C'est ouais non, y a pas de... c'est vraiment par rapport au personnage. Ouais, hein. Mais... Les gens qu'on invite par exemple qui m'ont clashé voyaient que j'avais le micro bleu, du coup ils se disaient ah ouais d'accord, c'est le personnage qui joue et tout, il faut être un peu taquin avec lui, c'est ça. Ils avaient le code couleur, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, non mais bien sûr. Ok, franchement, à un moment, je me suis dit, c'était vraiment méchant et tout. Je me suis dit, c'est peut-être. C'est pas cool, quoi. Mais en fait, non, c'est vraiment. Hein? Non, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème. Ok, nickel. Parfait. Mais... J'ai cru que j'étais une victime, mais c'est bon. Non, c'est vraiment. Okay. Enfin, je veux dire, c'est calculé. Hein. Super. Il y a un filet de sécurité, t'as pas de soucis. Ouh, ça me soulage, hein. Quoi, ça, ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ouf, allez, victime. Ok, ça, ce sera dans le best-of. Non, le best of. Mais du coup, le ce best mot. Of. Avec ou sans coca, ton best bah, of. Maxi, hein. En tout cas, ça c'est sûr. Pour faire encore un petit peu de Roland là, parce que on en a plus. Donc. Mec, j'en ai eu tout plein. C'est vrai. À un moment, j'étais toujours là. J'espère que ça s'est pas trop vu à l'écran. Écoute, je sais pas, on verra. Mais du coup, voilà. À part ça. Ah, moi, j'ai pas dit encore ce que j'ai pensé de cette première saison. J'ai adoré, tout simplement. L'évolution qu'on a eue, tant dans nous-mêmes que avec tout ce que ça implique, les gens qui sont venus nous parler de ce podcast, les gens qui nous encouragent, les gens qui nous félicitent, les gens qui rigolent et tout. Enfin, que des réactions positives. Alors, on a bien sûr des dislikes, notamment sur l'épisode 2, où j'avais mis en titre... parce que c'est moi qui m'occupe des titres. Des fois, j'essaye de faire des trucs vraiment un petit peu putaclic comme l'épisode 2. Et puis après, je mets des fois des titres un peu plus normaux, entre guillemets. Mais le titre de l'épisode 2, c'était... on répond à Booba, Niska, machin, ça. Et les gens sont attendus à ce qu'il y ait une interview ou je sais pas quoi. Du coup, il y a des gens qui sont venus parce qu'on a fait beaucoup de vues et beaucoup d'écoutes à toutes plateformes confondues sur cet épisode. Les gens s'attendaient à écouter alors que j'avais juste mis des extraits audio. Mais t'avais quand même écrit feat Booba, Niska et tout, je crois. Ouais, je sais plus exactement. En tout cas, j'avais mis on répond à Booba. Ouais. Enfin, je les avais cités très, très, très explicitement. Du coup, les gens étaient venus en mode oh, quoi, mais c'est quoi ces conneries, ils sont pas du tout là-dedans et tout. Alors qu'en vrai, c'est juste pas notre cible. Parce que là, on est dans l'humour et ces gens sont probablement des gens peut-être qui cherchaient une interview de ces artistes-là. Donc voilà. Mais des gros rageux. Non. Si. Non, je si. Pense. Des gros rageux. C'est juste des gens qui ont mettre pas compris. Mettre un pouce rouge, c'est un rageux. Et bon. des gros rageux, c'est vrai. Non, mais attends, je vais relâcher le câble parce que voilà, ça a l'air d'aller. Ok, cool. du coup, en parlant d'écoute, on a fait beaucoup d'écoutes, assez, alors moyennement de vues sur YouTube, ça va, on est entre, sur chaque épisode, on est entre 15 et 60, 70, quelque chose comme ça, à l'heure actuelle. Moi, ça me va pour l'instant, étant donné que c'est quand même des formats très indigestes, hein, on parle de 50 minutes. Surtout en vidéo. Bien sûr, en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en audio uniquement, on a fait péter certains scores, c'est impressionnant. Genre, y a des épisodes sur SoundCloud. Oui, parce que bon, pour SoundCloud, pour l'instant, ça s'est arrêté à l'épisode 3 ou 4, je crois. Il n'y a pas tout le reste. Mais je pense qu'il faut qu'on résolve ce problème. Parce qu'on a fait beaucoup de vues. C'est très utilisé, SoundCloud. Même encore à l'heure actuelle, j'ai des vues quotidiennement là-dessus. Par exemple, l'épisode 2, là, notamment sur les rappeurs, il a fait genre 400 vues, 400 écoutes, un truc du genre, tu vois. Ouais. Ce qui est énorme pour un podcast mais indépendant. Mais sur Spotify, c'est pas plus. Non publié. Si, mais attends, je viens, je vais par la plateforme. Je vais par la plateforme. Oh, tu attends, d'accord. Je suis désolé. Et du coup, effectivement, sur SoundCloud, beaucoup d'écoutes à ce niveau-là. Ça bouge bien. Je suis pas une victime, hein. C'est le. Ouais, non, c'est le code couleur. et du coup, sur Spotify, effectivement, beaucoup d'écoutes. On a, je crois, sur Spotify, sur les 14, alors sans compter celui-là, sur les 11 épisodes à l'époque où j'avais regardé, on avait fait entre 1600 et 1900 vues. Je sais plus exactement, mais c'était cette fourchette-là. Donc c'est quand même pas mal, ça fait plus de 100 vues pour chaque épisode, alors qu'on parle d'un podcast qui pendant très longtemps n'a pas été pubé, surtout à l'époque quand on l'a commencé on avait moins d'abonnés sur Instagram, toi tu venais de lancer Instagram si je me souviens bien, ouais. Donc c'était, ça a bien pris, les gens ont beaucoup apprécié, et même par rapport au feedback qu'on a, ça fait plaisir, les gens sont ultra positifs et tout, ils adorent, c'est très cool, très cool. Donc voilà, moi, très satisfait de cette première saison. Comme dit, on a rencontré énormément de problèmes et c'est trop cool. Et, quoi ? Attends, quoi ? Non, c'est trop cool parce qu'on a avancé en fait comme ça et ça m'a fait me rendre compte que... peu importe ce que tu fais, il faut toujours... continuer en fait. Parce que si t'as un truc qui te tient à cœur et que tu le fais par envie et parce que ça te fait marrer tout ça, bah tu vas forcément t'améliorer avec le temps, tu vois. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, je serais capable de citer mes épisodes préférés. Tiens, c'est lequel le tien ? Mon épisode préféré, je crois que c'est un ancien qui était d'ailleurs enregistré avec les mauvais micros là. Ouais. C'est celui Back to 2000. Oui. Je crois que c'est mon préféré. Okay. C'est vrai ? En le réécoutant, je l'ai réécouté il y a longtemps quand même, mais je me souviens que j'avais tapé des barres en le réécoutant. Ça a des bonnes barres. Ah, moi, j'avais pris des barres, je les avais tapées, tu vois. Ça fait du bruit, hein. Ouais, la ça fin fait de beaucoup Spider-Man de bruit. 3, hein. Deuxième ref. Attention, là, on a vraiment plus le droit d'en faire. Terminé. Oh, punaise. Et ouais, t'as fait deux refs à Spider-Man, j'en ai fait zéro. Oui, non, mais c'est justement, j'essaye d'évacuer. En fait, j'en ai pris une d'avance sur le prochain épisode, en fait. Donc, non, le prochain épisode, on n'a pas le droit. Non, non, non, non. Ah, si, c'est la règle. Non, ouais. Bah, ça va arriver. Mais. je sais plus de quoi on parlait. De Spider-Man, je crois. Non. Non, effectivement. Ah oui, et les épisodes préférés. En fait, oui, les épisodes préférés. Donc ça, c'est le Back to 2000. Ouais, moi, c'est celui que j'avais le plus, où j'avais le plus rigolé en le réécoutant. Je crois, ouais. Moi, je pense que c'est l'épisode 2 qu'on a fait avec Rob. Ouais. Ou alors peut-être le tout premier. Non, attends. L'épisode 2, je me rappelle plus. Non, attends, tout à l'heure, je crois que je dis l'épisode 2, mais je crois que je confonds l'épisode 2 qui était déjà avec Rob, où le titre s'appelle Pipi Tarzan. Confondu. Je ne sais plus trop quoi, et ouais, Fabrication d'explosifs. Et le quatrième, si je me souviens bien, qui à la base est le troisième, mais je ne l'ai pas sorti en place de troisième parce qu'il y a eu Halloween. Du coup, je me suis dit, ah, ce serait bien de faire un podcast sur Halloween. Bref. franchement, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est très. Ouais, du coup, toi, c'est celui avec Rob, ouais. Mais lequel ? Celui où on celui répond avec, non, celui avec. Pipi Tarzan. Ouais, c'est un c'est des, un des plus drôles drôle. Parce qu'il est encore très naïf et candide, ouais. Au niveau de nos personnages, tu vois. On est encore en train de se chercher, parfois on fait des blagues nulles, mais on sent qu'il y a vraiment une belle amitié, une belle énergie, et ça j'adore, à chaque fois que je le réécoute, j'adore. Ah ouais, mais par contre, l'anecdote plus, de Roberto là-dedans, ouais. Oh là là, la fin elle est tellement drôle. Mais par contre je l'écoute plus du tout parce que la qualité est vraiment trop mauvaise, vraiment, vraiment, c'est impossible. Une fois que tu passes sur les derniers micros là qu'on a, tu peux plus revenir à ceux d'avant, c'est inaudible. Ouais, j'avoue inaudible. Que depuis qu'on a ça, j'ose plus les réécouter. Donc voilà. Et celui mais allez quand même les réécouter. Ouais. Ou alors faites-vous plaisir. Faites ce que vous voulez. Parce qu'on n'a qu'une vie, donc profitez-en. Attends, tu les incites à se masturber là ? Ah non, j'ai dit faites-vous plaisir. Pour toi, se faire plaisir, c'est obligatoirement la masturbation ? Bah, mais t'es quel genre de pervers détraqué en fait ? Ici, c'est une chaîne chrétienne, d'accord ? Elle est family friendly. Ok ? Ouais. Ouais. Mais oui, bon. Masturbez-vous effectivement. Ah yes. Et celui que j'ai le moins aimé, je pense que c'est celui sur Stranger Things. Ah, moi aussi, je crois. Je pense. Parce que, déjà, il est trop long, je pense. Il y a beaucoup de lenteur à certains moments. On n'est peut-être pas assez expert aussi pour parler de... Ouais, surtout qu'on venait de le voir à chaud. On était... Moi, j'étais fatigué, parce que je crois que c'est celui où, on rentre de... où je rentrais de Troyes et tout, avec la pire... une des pires journées de ma vie avec les trains, là. Donc, ouais, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Il est bien, mais celui que j'aime le moins. Ouais, il est bien, allez l'écouter quand même, mais... Voilà, on veut l'argent, en fait. L'argent parce qu'on rappelle, doit arriver. On rappelle, on gagne combien ? S'ils vont écouter là, si tout le monde va écouter, arrête ce podcast, va écouter celui sur Stranger Things, on gagne exactement, vas-y. La somme astronomique de 0 euros. Parce qu'il n'y a pas de pub, en fait. Non, mais tout ça va venir, effectivement. Je me suis jamais, dans tous les épisodes, je me suis jamais caché à ce niveau-là, mais effectivement, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Je trouve que c'est un tabou qui n'a pas lieu d'être. Et en France, on est un des pires pays à ce niveau-là. Dès que quelqu'un a du succès, on va venir le faire chier avec ça, alors que... En fait, ouais, y a beaucoup de jalousie. Exactement. Les gens, ils vont même pas être poussés vers le haut pour faire mieux. Ils vont se dire, putain, toi, tu mérites pas. Genre, pourquoi t'es pas autant dans la merde que moi, tu vois ? Bah, bouge ton cul, en fait, pour sortir. Il y a un tweet de Yass encore, je sais pas si vous connaissez sur Twitter, qui fait que c'est un peu un tweetos rigolo. Et il avait tweeté, ça m'a fait marrer, encore un jour où je me réveille sans avoir un million sur mon compte bancaire, on est où là ? Un truc comme ça. Ça m'a fait rire, mais en même temps, je me suis dit, c'est un peu la mentalité un peu sous-jacente de la France. Ouais. D'avoir envie d'avoir beaucoup d'argent, mais sans rien faire. Là où c'est assez tragique, c'est que lui, c'est du second degré, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que souvent, Goldbomb, notre ami beatmaker, notre ami producteur, qui avait bien lancé sa chaîne d'ailleurs, allez-y. Bref, il dit souvent ça aussi. Oh putain, encore un jour où je me lève et je suis pas millionnaire, fais chier. Alors que c'est du second degré, tu vois, bien sûr. Et personne va se lever en se disant putain, je suis pas millionnaire, merde. Alors qu'il y a des gens en France, ils disent vraiment, ils sont en mode mais attends, ça n'a aucun sens, pourquoi eux ils sont riches, etc. Alors qu'il y a dans 95% des cas, il y a du travail derrière ça, en fait. Les gens ne comprennent pas, en fait. Parce qu'en France, c'est vrai. Et c'est une bonne chose parce que ça évite que trop de gens soient dans la merde. Même moi, ça m'a plusieurs fois sauvé la mise. Mais on est très, très assisté en France et ça crée des générations de parasites, pour être très clair. C'est-à-dire des gens... moi, je name drop, j'en ai rien à foutre, mais tout ce qui est les trucs de SemSem, là, ça me fait rire, mais je trouve ça incroyablement dangereux, en fait. Parce que ce sont des gens qui touchent le chômage, donc qui prennent de l'argent de l'État, du contribuable. Et putain, c'est vraiment en mode serious business. Mais non, non, il faut en parler parce que ça détruire les tabous, ça commence aussi par les problèmes comme ça. Et il a un pote, bon, SemSem en soi, je le trouve plutôt drôle. Il a un bon second degré et tout. Mais il y a un de ses potes, je me souviens pas de son nom, j'en ai rien à foutre. Mais ce gars-là se vante plusieurs fois dans les vidéos juste de toucher le chômage, de se coucher à 2h, de se lever à 13h, juste d'aller au PMU pour boire des canettes, jouer aux jeux vidéo, machin, etc. Et il ne cherche pas de travail. Donc c'est quelqu'un qui prend, mais qui ne donne pas. Et je déteste cette mentalité. J'ai aucun problème avec le RSA, le chômage et tout. C'est important. Comme dit, ça aide des gens exactement. Qui sont vraiment... Notamment en reconversion professionnelle. Ou qui essayent de s'en sortir. Très important d'avoir ce genre de truc. Mais profiter de ça et ne pas chercher de travail et juste se complaire... à barboter dans sa merde et à trouver ça, à glorifier ça, ça me met hors de moi parce que ce sont des gens qui vont juste prendre et qui ne vont jamais donner, qui ne vont pas créer de valeur, qui ne vont pas instruire les gens, qui ne vont pas partager des bonnes choses, de l'énergie. Franchement, au-delà du fait que je trouve ça stupide, n'ayons pas peur des mots, c'est vraiment très dangereux, vraiment, parce que ça crée des tensions, ça crée des problèmes d'argent, ça crée des... Enfin, ouais. Il y a un vrai problème. On voit que ça te tient à cœur en tout. Non, vraiment, vraiment. Parce que je trouve que en France, on se pose trop de... On est un pays de râleurs, ça c'est connu. On est un pays de critiqueurs. Et en fait, le truc, c'est que on est tous... Non, je m'inclus pas dedans, mais si, un petit peu en critiquant, forcément. C'est vrai. Mais il suffit de voir sur Twitter comme tout le monde est très agressif, tu vois. Alors qu'il n'y a personne qui va vraiment se poser et dire « Venez, on parle des vrais problèmes, tu vois. » Ils vont toujours attaquer, mais avec un ton très, très condescendant de oh, regardez, machin, etc. Genre, ouais. En fait, s'ils appliquaient autant d'énergie à résoudre les problèmes, qu'à les montrer, qu'à les railler, à se moquer et à dire que c'est de la merde. Mais la France irait mille fois mieux. Enfin, il y a des. C'est terrible. La France est vraiment un pays qui est en train de s'enfoncer. Et c'est en très grande partie à cause de cette mentalité qui ne change pas. Donc c'est un vrai problème. Mais bref. Je me suis un peu laissé emporter. C'était pas du tout la ligne. Mais voilà. Comme dit, effectivement, juste pour revenir à l'argent, l'argent, ce n'est pas du tout un problème. Parce que l'argent, c'est un outil. Et comme tous les autres outils, ça dépend ce qu'on en fait. Un marteau, c'est fait pour planter des clous. Ben, t'as des mecs complètement tarés qui sont des gros connards qui vont tuer des gens avec. Voilà. Bon, bah, c'est la vie. Donc c'est pas. L'outil qui est le problème, c'est la personne qui l'utilise. Point final. Et oui, effectivement, l'ambition de ce podcast, c'est aussi d'arriver à, pourquoi pas, nous faire un revenu supplémentaire, donc avec des publicités, avec des dons, etc. On est là pour passer un bon moment, on crée du contenu, on travaille beaucoup, ça nous fait super plaisir, on espère que ça vous fait plaisir, donc il n'y a aucun problème à faire, pourquoi pas, des placements produits, du contenu sponsorisé. Moi, j'ai aucun problème avec ça, vraiment. Et je pense qu'on gagnerait tous à essayer à être transparent. Voilà, à être plus transparent et moins à être des gripsous qui critiquent tout ce qui se passe autour de nous. Bref, c'est vrai. Ouh, mais bon, c'était le quart d'heure sportif. C'est marrant parce que des fois j'ai un peu cette mentalité, genre je vois un mec riche en train de flex, je me dis ah le bâtard, et après je me dis ouais mais moi je pourrais aussi, tu vois, si je travaillais plus et tout. Mais ouais, voilà. Chez la daronne à l'abri, on vous a dit. La daronne à l'abri, c'est important. Je veux dire, Attends, c'est dans quoi ça? Bah, c'est dans tous les trucs de rappeurs en fait. Ouais, ouais, mais la daronne à l'abri, on avait dit. C'est pas une ref? Non. Non, pas spécialement. Ah, okay. Enfin, en tout cas, là, je l'ai pas. Okay. Mais la daronne à l'abri, de quoi on parlait? Mais du coup, c'est quoi ton épisode préféré? Alors, c'est celui avec Pipi Tarzan. Ouais, okay. Et celui que t'aimes le moins, Stranger Things, comme moi. Voilà. Ok. Du coup, parlons un petit peu de la suite, l'avenir. Saison 2. La saison 2, ça va être très court. Il y a des nouveaux concepts qui arrivent. Il y a des rubriques. Il y a de nouveaux invités. Il y a quelques changements graphiques qui vont s'opérer auxquels on est en train de réfléchir. Voilà. il y a effectivement des concepts. On n'en parle pas trop parce que bah, ça va venir vite. Hein. La semaine d'après cet épisode, ça sera déjà la nouvelle saison. En tout cas, voilà. Moi, je suis très content de là où ça va. Ça fait vraiment, vraiment super plaisir. Je m'amuse beaucoup et je crois que toi aussi. Oui. C'est un oui sincère. Donc, là, apprendre. Il n'y a pas photo. Je reviens. On va juste faire une pause et après, on enchaîne sur les questions. On va juste au PMU et on revient. Exactement. Profiter de l'argent du chômage et ne rien apporter en valeur à la société autour. Parce que fuck la société. Oh merde, j'aurais pas dû. Allez, à tout de suite. Bref, nous revoilà. Du coup, les questions qu'on nous a posées. Donc, il y en a eu beaucoup. Je vais voir un petit peu, je vais faire le tri. Je les découvre avec vous, donc j'ai aucune idée. Et t'en as lu une, je peux peut-être lire la suivante. Écoute, ok, bah, c'est celle de. On dit pas les noms. Ok. Ces personnes resteront anonymes. Elles sortent ok, donc ça, on y a déjà répondu. Ça, on a déjà répondu dans un autre podcast. Tu parles émission là ? Bah, ça, moi, je les ai pas vus aussi. Ouais. Donc, Okay. Quels sont vos jobs ? Alors, vos jobs actuels racontés. Les nouvelles choses qui vont arriver pour la saison 2, on y a effectivement répondu. Votre émission préférée à chacun ? Alors, est-ce qu'il parle de notre épisode ou notre émission, genre de podcast, de trucs et tout ? Ah, non, à mon avis, il parle de notre podcast à nous. Ouais ? De notre émission, ouais. Ok. Mais par contre, moi, je peux le dire, mon préféré, c'est le Floodcast. Toi, je sais pas, en podcast ouais. Toi, ouais. C'est peut-être Tiny Meat Gang, non? Tiny Meat Gang À l'anglais, ouais. Ah, c'est... En US, c'est sûr. Ouais. En FR, ouais, Floodcast. Mais vraiment, je porte les deux au même niveau dans mon cœur, je pense. Ouais. Parce que c'est quand même des personnages très différents, tous. Ils n'ont pas du tout le même parcours. Mais voilà, TMG, Tiny Meat Gang. Intéressant. Tiens, je te laisse choisir la prochaine question. Vous avez créé ça, pourquoi ? Pourquoi on a créé ça, Quentin ? On en a déjà un petit peu, on y a déjà un peu répondu. On a créé ce podcast parce que, comme dit, on se voit tous les jours. On raconte souvent, quand on se voit, on raconte souvent beaucoup de conneries parce qu'on adore les sketchs, l'humour. Souvent, des fois, on fait une blague, on la déconstruit et on dit ah ouais, dans le sketch, genre il pourrait machin et tout. Et là, on s'imagine des trucs dans notre tête, tu même vois. Des fois, des genre ah ouais, là, contre-plan sur le. C'est clair, c'est clair. Il y a vraiment tout un truc à ce niveau-là. En fait, on est vraiment bercé dans l'humour et du coup, on essaye de se perfectionner là-dedans, en fait, tout simplement. Et ce podcast, c'est une façon de raconter des choses intéressantes avec des guests et des invités très intéressants aussi, qui sont tous des amis. Entrecoupés de petites boutades, de petites blagues, ou autres calembours, j'ai envie de dire. Exactement. Donc ça fait, voilà, l'ambition, c'est juste de partager en fait des good vibes. Et se faire plaisir. De la positivité et encore une fois, de se faire plaisir. Ça fait zizir toujours. Voilà, en fait... Ouais, il y a pas. Est-ce qu'il y a. Non, en fait, si vous voulez savoir comment tout a commencé, il m'a dit un jour où il était censé venir chez moi le soir pour, je ne sais plus, regarder un film ou je ne sais quoi. Il m'a dit bah, ça te dit, on fait un podcast ce soir ? Et je vais. Quoi ? Ah oui, c'est vrai. Le tournoi, on l'a fait chez toi sur OSR, ouais. Et j'ai dit bah ok, vas-y. Et du coup il est venu avec sa caméra et tout, et j'étais trop en train d'appréhender. Je me suis dit mais waouh, ça va être trop bizarre, je vais être devant la caméra et tout comme ça. Mais en vrai dès qu'il a lancé le rec, c'était parti et c'était cool quoi. Et j'ai passé un tellement bon moment que on s'est tous les deux dit bah on en refait quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, chaque épisode est vraiment un bon moment, tu vois. Et c'est pour ça que ça marche, c'est que en fait on est vraiment entre potes, tu vois. C'est pas un truc d'invité genre émission de télé où les gens ils font un petit peu des faux sourires parce que ah, vous avez vu mon dernier bouquin et tout. Non, là on est vraiment entre potes, on kiffe, on adore ça, on passe un super moment et on est tous exaltés de faire exaltés, attention. On est exaltés de partager ce moment avec les uns comme les autres. Exultes par ton vocabulaire. J'exulte. Il est ruct. Je sais plus ce que c'est la blague, mais c'est encore un truc des inconnus. Quels sont vos jobs actuels ? Racontez votre parcours. Ah ouais. Alors là, malheureusement, mais on en a parlé pas mal. On en a déjà parlé plusieurs fois, ouais. Dans celui, je crois, dans l'épisode, les tournants de notre vie. Non, comment il s'appelle ? Ouais. En fait, on a parlé dans plein d'épisodes. Hein. Ouais. En vrai, on a parlé de l'école, mais on pourrait peut-être faire un jour un épisode vraiment sur comment on en est arrivé là à être freelance, à gagner le double, parfois le triple, parfois le quadruple non. de ce que gagnent il les abuse, gens de notre âge, alors qu'on est seulement bac plus 2, respectivement bac plus 3. Il abuse clairement, d'accord. je vais juste regarder la note que j'ai écrite sur mon iPad. Non, mais voilà, comme dit, moi, j'ai pas peur à ce niveau-là. Et voilà, c'est tout simplement... Franchement, on se bat, on se fatigue pour tout ça. Donc, c'est normal qu'on en parle et qu'on soit fier de ce qu'on a réussi à faire, en fait. C'est le premier pas vers le fait d'être à l'aise avec son travail et avec la personne qu'on est. D'ailleurs, question suivante. Qui êtes-vous ? Quel est le sens de la vie ? entre parenthèses, c'est... 42. La 42, du coup. Finesse, la fameuse règle. Tu poses une question et la réponse dedans, c'est quoi le... c'est quoi le sens de la vie pour toi, tiens ? Alors ça, c'est une sacrée question. Le sens de la vie, je vais répondre en mode guimauve, tu vas avoir envie de vomir. Tout le monde qui va... C'est quand je parle que t'as envie de vomir ? Ah non. Vas-y. Les micros, hein, n'oubliez pas. Tu n'es pas une victime. Bien sûr. Non, j'aurais une réponse un peu guimauve et un peu simple, mais en même temps, je trouve que c'est vrai, c'est la recherche du bonheur, en fait. Alors, est-ce qu'on peut l'atteindre ? Est-ce qu'on ne peut pas l'atteindre ? Ça, c'est toute une question à laquelle je n'ai malheureusement pas la réponse. On est toujours en quête de bonheur. Alors, je ne sais pas si à un moment on peut l'atteindre. Je ne sais pas si à un moment t'y arrives et genre t'y restes. Bah, mais en fait, à mon avis, je pense que ce n'est pas possible. C'est plus des périodes de ça va pas. Tu vois, et en essayant toujours de gravir un peu les échelons pour aller mieux. Enfin, pour aller bien. Moi, je pense que le bonheur, c'est un mensonge, en fait. Non, mais attends, j'explique. Restez bien assis au fond de vos chaises. Restez bien assis, lâchez ce couteau, lâchez cette corde pour vous pendre, il n'y a pas de problème. On va tous mourir, chaque seconde qui passe est une seconde de moins, bien évidemment. Arrêtez, coupez le podcast, mettez coupure technique. Non, mais effectivement, en fait, le bonheur n'existe pas dans le sens où il est. En fait, c'est ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'atteindre. Parce qu'à chaque fois que tu atteins le bonheur, forcément, il y a une redescente. Toujours. Mais le truc, c'est que en essayant d'atteindre le bonheur, souvent tu prends du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand j'ai un gros travail sur les bras et tout pour des clients et tout et que je me donne pour ce travail et tout, pendant que je le fais, je me dis punaise, à la fin ça va être tellement bien, je vais être trop heureux et tout, j'aurai enfin accompli un truc et tout. Je le finis, je suis dans ce moment-là où j'ai accompli un truc, je suis content. Et en même temps, j'idéalise vraiment la période de travail que j'ai eue acharnée et je me dis, en fait, c'était vraiment bien et tout. Et après, du coup, petit à petit, ça redescend un petit peu comme ça. Et après, il y a de nouveau un pic de remontée, etc. Moi, je vois ça un peu comme ça, tu vois. J'ai pris l'exemple du travail comme... Enfin, ouais, j'ai pris cet exemple, mais ça marche avec beaucoup de choses. Mais je pense que c'est en très grande partie uniquement à travers le travail et ce que tu crées. Je ne sais plus quel philosophe disait que l'homme se matérialise à travers son travail. C'est-à-dire que sans accomplir de choses... Parce que le travail, ce n'est pas forcément aller dans un bureau de 9 à 5. Hein. C'est n'importe quelle corvée, c'est n'importe quelle... En fait, c'est une situation dans laquelle tu émets des efforts pour arriver à un résultat. Ça, c'est du travail, en fait. Du coup, ce philosophe, dont le nom m'échappe malheureusement, disait que l'homme ne se matérialise que quand il travaille, donc quand il crée quelque chose. Mais encore quelque chose par rapport à ça, c'est que je vais encore flex parce que j'ai acheté un iPad Pro, mais faut bien que je le rentabilise, d'accord? Faut bien que ce prix-là qui m'a coûté soit exposé aux oreilles de tous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du matériel. J'ai eu très envie de l'acheter. Quand je l'ai acheté, j'étais très content. Je l'ai eu. Mais je serai jamais aussi content de l'avoir acheté que quand j'aurai bien appris à l'utiliser pour faire des choses, pour créer en fait. Dès que j'aurai fait un job pour lequel j'aurai utilisé mon iPad, pour lequel je regardais tuto toute la journée quasiment pour bien apprendre à concevoir avec ça, parce que c'est un outil formidable, mais il faut savoir l'utiliser. Là, je serais vraiment heureux, tu vois, d'avoir cet iPad. Pour l'instant, juste, je suis content de l'avoir, mais j'ai envie d'être heureux de l'avoir parce que je l'utilise bien. Que ça soit plus un achat compulsif, mais un vrai outil de travail c'est à part ça, entière. Exactement. Ok. Donc c'est, voilà. C'est souvent comme ça avec le matériel, je trouve. Toi, quand t'as eu ton A7, je pense que ça devait être un peu la même chose. Je sais pas, oui, effectivement, non, c'est le parcours des gens qui, c'est le parcours classique, la mentalité classique des gens plutôt, qui prennent leur boulot au sérieux et qui font des investissements assez chers, parce que par exemple, l'A7 boîtier nu, à l'époque où je l'ai acheté, c'était 2 400 €, c'est-à-dire tu peux même pas prendre de photos avec, hein, c'est déjà un certain prix quand même. Et sans batterie aussi. Exactement, sans batterie, sans chargeur, c'est incroyable. Bref, d'ailleurs, batterie, j'ai acheté une deuxième batterie. On allait au Japon. Ça t'est encore. Ils m'ont fait exploser, ok. Je vais vous retrouver, les policiers de Shanghai, là. je vais monter une équipe, ok. Parce que l'équipe est Toka, donc ish. Quoi? Ah, c'est Sofiane, ça. Une référence. Non, voilà, effectivement, le sens de la vie a mon sens. Waouh! J'ai eu un souffle dans les oreilles, là. C'est le soupir de la vie. Non, non. C'est ce qu'elle te fait subir. On pourrait en disserter longuement, mais moi j'essaye à l'heure actuelle encore de me frayer un chemin à travers tout ça, dans le sens où si on est totalement terre à terre et réaliste, en fait, la vie. C'est le plus beau cadeau qui existe parce que c'est incroyable, tu vois, le simple fait de pouvoir admirer la nature, de pouvoir goûter un plat, de pouvoir même, tu vois, faire à l'amour, tu vois, enfin, c'est toutes ces sensations, ces émotions, tu vois, c'est vraiment un truc incroyable. Mais en fait, c'est d'une vacuité incroyable parce que le monde a tourné avant nous. Petite définition de vacuité. Un vide, voilà. C'est un vide qui est absolu, en fait, parce que le monde a tourné avant nous, le monde a tourné, tournera après nous, et quand bien même, nous, on pourrait rester chez nous et être sur notre lit à rien faire. Ou dans un bar PMU, c'est la même chose. Le monde continuerait de tourner, en fait. Donc, en vrai, c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que je trouve que c'est de notre ressort de faire le maximum de choses pour essayer de pousser la société vers le haut, quitte à ce que ça soit juste au moins faire des podcasts pour changer les idées des gens, peut-être changer les idées, pas forcément en mode « attends, tu pensais comme ça, mais non, la vraie vie, c'est ça, tu vois ». Mais plutôt, par exemple, la vie, c'est dur, en fait. Il faut payer ses factures, il faut travailler dur. Il y a des gens qui ont 5 enfants, qui n'ont pas une seule seconde de répit. Peut-être qu'ils écoutent ce podcast tous les matins en allant à leur boulot et ils vont mieux, tu vois. Et juste ça, ça c'est super important de faire des je pense que il faut tout simplement essayer d'apporter de la valeur aux gens et de créer des communautés soudées qui tirent toute la société et le monde vers le haut, voilà, tout simplement. Et en commençant par les gens proches de nous, parce que de toute façon, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui ne le méritent pas, d'ailleurs. Il y a des gens qui ne veulent même pas être sauvés, mais bon, c'est un autre débat. Et juste par rapport à moi et le sens de la vie, du coup, je trouve, juste pour finir avec ça, que c'est notre devoir, du coup, de faire le maximum pour essayer de faire kiffer les gens, de les faire profiter, de créer des choses, de créer des liens, de tout simplement vivre cette vie à fond et ne pas la gâcher en se disant franchement je vais aller au bar PMU. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. Voilà, donc ouais. Ça m'a ça m'a touché, putain. je suis touché de fou là. On va couper. C'est si insurmontable comme douleur dans mes tympans. Pardon, excuse-moi. Non, en plus, c'est vrai. Son, ouais. Ouais, on peut pas baisser le son, donc là, je l'entends au maximum. Là, si vous l'avez entendu fort, moi, je l'ai entendu 4 fois plus fort. Mais du coup, voilà. Bon, il y a d'autres questions, on en parlera dans d'autres podcasts, parce que là, ça fait déjà 1h08. Ouais. Et on s'était promis de faire des émissions d'une demi-heure. Ouais, tu sais, c'est... La vie est imprévisible, donc profitez-en. Oui, voilà, exactement. Quand même. Moi, je lutte pour essayer d'être dans le moment présent. C'est très compliqué, je trouve. Oui, c'est dur de ne pas être que dans la nostalgie ou dans le futur. Ouais. Dans le futur. C'est profiter vraiment de ce moment-là actuel. C'est très compliqué, je trouve. Surtout aujourd'hui où tout va super vite. Et comme on est la génération Internet, on a vachement perdu la patience, en fait, tout simplement. Mm. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a ? T'as encore un Roland ? Non. Non, mais l'expression vachement. La génération Internet, ça me fait rire. Elle est jeune, mon pote. Ouais, Fortnite, hein. Génération Y. Fortnite, c'est pas un truc de fou, Fortnite. C'est un truc de mal. Fortnite, non ? Je sais pas comment on dit, moi. Moi, je pense qu'on dit de la merde. Ouf. Ouais, je balance, j'ai rien à foutre. Epic Games, venez me chercher. On va se mettre tout le monde à dos. Non, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, je suis un peu. Je panique. Ouais, oubliez pas les couleurs, hein. C'est pas vraiment, oui, une victime. Je suis pas une victime. Hein. C'est bien sûr. Non. Non, mais voilà. Bon, prenez soin de vous. À la prochaine. C'est le plus important. C'est le plus important de prendre soin de vous. On se retrouve pour la saison 2. Oui, saison 2. Yes. La semaine prochaine. La semaine prochaine, RDV. Pour vous, ça se trouve, dès que vous aurez fini cet épisode, il sera déjà sorti. Nous, on n'a pas encore tourné, pour être tout à fait franc. Et voilà, tout simplement, moi, je suis très excité. La vie est belle. Il faut travailler, il faut créer des choses, il faut s'entourer de gens positifs, il faut faire des choses. La vie est courte, profitez-en, prenez soin de vous. C'est le plus important. À la prochaine.